À quand certaines libérations? Moins de titres dans Libération. Pour beaucoup plus de libération qu'on croit savoir ici. Ici même sur le sol français qui nous isole, nous camisole. Franchement nous rend mongol, mais franchement c'est moi la camisole. Visible sous n'importe quel angle, qu'ils peuvent assembler, modifier, agrandir, déplacer ou détruire. Pour moi, le laquais du système quand je suis dehors, c'est moi qui le surveille quand. Dans mon coin, mon corps, on l'envoie pour qu'il fonctionne et m'enlève du décor. Tous, toutes pilotés, 24 heures sur 24 heures par le même ordinateur. Seulement, on change d'application tout en conservant les mêmes tueurs. Pas tous aux mêmes loges, si c'est la correspondance par des bavures par balles dans les halls où certains ont leur toile. Dans le système, tout un langage, un engrenage en fonction. Maintenant, même emblème et âme sont fonction. Mal vu ou pas, mal vu ou pas. Je suis dessus, vive ses occupants, c'était pas un rêve. Mais que tu veuilles ou non, que tu veuilles ou non, on choisit que les keufs aussi ne fassent plus de rêves. Seulement rien ne suffit pour qu'ils se les agrègent. Là où même avec du pognon, ton petit frère pour fonction peut prendre une voie de garage. Mais la vie est sans foi ni loi. Sinon ta conscience, ma conscience, qu'il a encore pour spirituelle compagne ici. Entre perquisition et suspense sont présents ici. Là où les rumeurs disparaissent et les extrémistes prospèrent. Là où nos vocaux font encore la banalité de l'obscur, du secret, du désir. Peut-être un scar et ça qui est là pour le voir, le savoir, le voir, le savoir, le savoir, le voir. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joueurs enfermés, en zozou dans des bâtiments, la peur de ne réussir dans la vie. N'assaille pas tous mes frères de la même manière, camarades dans la vie. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joueurs enfermés, en zozou dans des bâtiments, la peur de ne réussir dans la vie. N'assaille pas tous mes frères de la même manière, camarades dans la vie. Camarades, partons en balade, la balade des gens malheureux. Je t'emmène en banlieue, là où la vie du quartier est un jeu dangereux. Tu vis, tu meurs, tu passes par la casse prison un jour ou l'autre. Voilà l'itinéraire gâté d'un mauvais garçon qui ne fait pas la faute. Essentiel de ce que j'ai vécu, ou fait vivre aux autres. Déformé, donc mal perçu, donc combien de frères et sœurs ont rêvé que je me vaute. Rêve que je me vaute, marre d'entendre sur les ondes la merde des autres. Quand je rêve de sentir la piste, la merde des autres. Trop de pertes humaines, alerte les pertes deviennent rares, quinzaine révolue. Certaines expertes passent encore au travers sous nos vues. Je fais des joints sans demander mon reste, moi. Attitude, habitude de combien de types qui titubent. C'est à se demander ce que plante le reste, ce qu'attend le restant, peut-être le restant de nos restes. Les pestes restantes, restantes, mise en échec, séquestre. Surfile son prototype, gros, il cédera d'un coup. Brave type pour les mêmes causes, les mêmes clauses. Loin de l'hypnose battante, sans arbre abattant, battante, on cédera d'un coup. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joueurs enfermés, en zozou dans des bâtiments, la peur de ne réussir dans la vie. N'assaille pas tous mes frères de la même manière, camarades dans la vie. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joueurs enfermés, en zozou dans des bâtiments, la peur de ne réussir dans la vie. N'assaille pas tous mes frères de la même manière, camarades dans la vie. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joueurs enfermés, en zozou dans des bâtiments, la peur de ne réussir dans la vie. N'assaille pas tous mes frères de la même manière, camarades dans la vie. Subsistant dans un cercle fermé, à meurtrir des joueurs enfermés, en zozou dans des bâtiments, la peur de ne réussir dans la vie. N'assaille pas tous mes frères de la même manière, camarades dans la vie.